Livre d'Isaïe, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement par le site www.mission-web.com. Chapitre 1. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, qu'il a vu touchant Juda et Jérusalem, au jour d'Ozias, de Joatam, d'Akaz et d'Ézéchias, rois de Juda. Cieux, écoutez! Et toi, terre, prête l'oreille, car le Seigneur parle. J'ai nourri des enfants et je les ai élevés, et eux se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a point d'intelligence. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, fils criminels. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont outragé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Où vous frapper encore si vous continuez vos révoltes? Toute la tête est malade, et tout le cœur est languissant. De la plante des pieds au sommet de la tête, il n'y a en lui rien de saint. Ce n'est que blessure, meurtrissure, plaies vives qui n'ont pas été pansées ni bandées, ni adoucies avec de l'huile. Votre pays est un désert, vos villes sont consumées par le feu. Votre sol, des étrangers le dévorent sous vos yeux. La dévastation est comme le ravage fait par des étrangers. Et la ville de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une tour de garde. Si le Seigneur des armées ne nous eût pas laissé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole du Seigneur, juge de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Ne continuez pas de m'apporter de vaines oblations. L'encens m'est en abomination. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux convocations, je ne puis voir ensemble le crime et l'assemblée solennelle. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je voile mes yeux devant vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez la malice de vos actions de devant mes yeux. Cessez de mal faire. Apprenez à bien faire. Recherchez la justice, redressez l'oppresseur. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons ensemble. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous obéissez de bon cœur, vous mangerez les biens de votre pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez mangés par l'épée, car la bouche du Seigneur a parlé. Comment est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle, elle, pleine d'équité, dans laquelle la justice habitait, et maintenant, des meurtriers? Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes princes sont des rebelles et des compagnons de voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas devant eux. C'est pourquoi, oracle du Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah ! Je tirerai satisfaction de mes adversaires. Et je me vengerai de mes ennemis. J'étendrai ma main sur toi, et je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'ôterai toutes tes parcelles de plomb. Je te rendrai des juges comme ceux d'autrefois, et des conseillers comme au premier temps. Après cela, on t'appellera la ville de justice, la cité fidèle. Sion sera rachetée par la droiture et s'est convertie par la justice. Mais les rebelles et les pécheurs seront brisés ensemble, et ceux qui abandonnent le Seigneur périront. Car ils auront honte des térébintes que vous avez aimées, et vous rougirez des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, et comme un jardin sans eau. Et l'homme fort sera l'étoupe, et ses œuvres l'étincelle. Ils brûleront tous deux ensemble, et personne n'éteindra. Chapitre 2. La parole qu'Isaïe, fils d'Amos, a vue touchant Juda et Jérusalem. Il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et élevée au-dessus des collines. Et vers elle toutes les nations afflueront, et des nations nombreuses viendront et diront « Venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre des peuples et le juge de nations nombreuses. Ils forgeront leur épée en soc de charrue, et leur lance en faucille. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière du Seigneur. Car vous avez abandonné votre peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils ont comblé la mesure depuis longtemps, qu'ils pratiquent la magie comme les Philistins, et qu'ils donnent la main aux fils de l'étranger. Leur pays est rempli d'argent et d'or, et leurs trésors sont sans fin. Leur pays est rempli de chevaux, et leurs chars sont sans nombre. Leur pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. C'est pourquoi le mortel sera humilié et l'homme sera abaissé. Non, vous ne leur pardonnerez point. Entre dans le rocher, cache-toi dans la poussière, devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté. Les yeux hautains du mortel seront abaissés, et l'orgueil de l'homme sera humilié, et le Seigneur sera exalté, lui seul, en ce jour-là. Car le Seigneur des armées aura un jour contre tout orgueil et toute hauteur, et contre tout ce qui s'élève, pour l'abaisser. Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toute tour superbe, et contre toute forte muraille, contre tous les vaisseaux de Tarsis, et contre tout ce qui charme les yeux. L'arrogance du mortel sera humiliée, et l'orgueil de l'homme sera abaissé, et le Seigneur sera élevé, lui seul, en ce jour-là. Et toutes les idoles disparaîtront, et ils entreront dans les cavernes des rochers, et dans les antres de la terre, devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour épouvanter la terre. En ce jour-là, l'homme jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, qu'il s'était faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris, pour s'enfuir dans les trous de la pierre et dans les fentes des rochers, devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour épouvanter la terre. Cessez donc de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car quelle estime en avoir ? Chapitre 3. Car voici que le Seigneur, l'Éternel des armées, va retirer de Jérusalem et de Juda toute ressource et tout appui, toute ressource de pain et toute ressource d'eau, héros et hommes de guerre, juge, prophète et devin, ancien, capitaine et notable, conseiller, ouvrier expert en son art et habile enchanteur. Et je leur donnerai des jeunes gens pour princes, et des enfants domineront sur eux. Et le peuple se ruera homme contre homme, chacun contre son voisin. Ils se précipiteront, le jeune homme contre le vieillard, et l'homme de rien contre le plus illustre. Lorsqu'un homme prendra son frère dans la maison de son père en disant « Tu as un manteau, sois notre chef, et que cette ruine soit sous ta garde », il se récriera en ce jour-là « Je ne veux pas être le médecin, je n'ai dans ma maison ni pain ni manteau, ne me faites pas chef du peuple. » Car Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre le Seigneur, pour braver le regard de sa majesté. L'air de leur visage dépose contre eux. Comme Sodome, ils publient leurs péchés et ne s'en cachent point. Malheur à eux, car ils sont eux-mêmes les auteurs de leur perte. Dites au juste qu'il est heureux, car il mangera le fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, mal lui arrivera, car ce que ses mains ont fait lui sera rendu. Mon peuple est opprimé par des enfants, et des femmes le gouvernent. Mon peuple, ceux qui te dirigent t'égarent, et ils ruinent le chemin où tu dois passer. Le Seigneur s'est levé pour rendre la justice, et il est debout pour juger les peuples. Le Seigneur entre en jugement avec les anciens et les princes de son peuple. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des malheureux? Oracle du Seigneur, l'Éternel des armées. Le Seigneur a dit : Parce que les filles de Sion sont devenues orgueilleuses, qu'elles s'avancent la tête haute, lançant des regards, qu'elles vont à petits pas et font sonner les anneaux de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le crâne des filles de Sion, et le Seigneur découvrira leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur enlèvera le luxe des anneaux, les soleils et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfums et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les robes de fête et les larges tuniques, les manteaux et les bourses, les miroirs et les mousselines, les turbans et les mantilles. Et, au lieu de parfums, il y aura la pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'une ample robe, un sac. Au lieu de beauté, la marque imprimée par le feu. Tes guerriers tomberont par l'épée, et tes héros dans la bataille. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil, et, désolée, elle sera assise dans la poussière. Chapitre 4. Sept femmes saisiront un seul homme en ce jour, et diront « Nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Permets seulement que nous portions ton nom. Ôte notre opprobre. » En ce jour-là, le germe du Seigneur fera l'ornement et la gloire, et le fruit de la terre fera l'orgueil et la parure des réchappés d'Israël. Et ceux qui seront restés dans Sion, et ceux qui auront été épargnés dans Jérusalem seront appelés saints, tous ceux qui sont inscrits pour la vie dans Jérusalem. Quand le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par l'esprit de jugement et par l'esprit d'extermination, alors le Seigneur criera sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses assemblées, une nuée durant le jour et une fumée, et l'éclat d'une flamme ardente pendant la nuit. Car sur toute sa gloire, il y aura un dais, Et il y aura une tente pour donner de l'ombrage contre les ardeurs du jour, et pour servir de refuge et d'abri contre l'orage et la pluie. Chapitre 5. Je vais chanter pour mon bien-aimé, le chant de mon bien-aimé au sujet de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, il en ôta les pierres. Il la planta de ceps exquis. Il bâtit une tour au milieu et il y creusa aussi un pressoir. Il attendait qu'elle donnât des raisins, mais elle donna du verjus. Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et entre ma vigne. Qu'y avait-il à faire de plus à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi ai-je attendu qu'elle donnât des raisins et n'a-t-elle donné que du verjus? Et maintenant, je vous ferai connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie, et elle sera broutée. J'abattrai sa clôture, et elle sera foulée aux pieds. J'en ferai un désert, et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je commanderai aux nuées de ne plus laisser tomber la pluie sur elle. Car la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont le plan qu'il chérissait. Il en attendait la droiture. Voici du sang versé. La justice. Et voici le cri de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Le Seigneur des armées a dit cette parole à mes oreilles. Oui, ces nombreuses maisons seront désertes. Grandes et belles, elles n'auront plus d'habitants. Car 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bât. Un homère de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui courent dès le matin après les boissons enivrantes, et qui, le soir, prolongent leur orgie, échauffée par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin, voilà leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre du Seigneur, et ils ne voient point l'ouvrage de ses mains. C'est pourquoi mon peuple s'en ira en exil sans s'en douter. Sa noblesse deviendra une troupe affamée, et sa multitude séchera de soif. C'est pourquoi le Shéol se dilate et ouvre sa bouche sans mesure. Elle y descend, la magnificence de Sion, avec sa multitude bruyante et joyeuse. Le mortel sera humilié, l'homme sera abaissé, et les yeux des superbes seront abattus. Et le Seigneur des armées apparaîtra grand dans le jugement, et le Dieu saint apparaîtra saint dans la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les champs dévastés des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes de mensonge, et le péché comme avec les traits d'un chariot, qui disent « Qu'il se dépêche, qu'il hâte son œuvre, afin que nous la voyions. Qu'il s'approche et s'exécute le décret du Saint d'Israël, et que nous sachions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière, et de la lumière les ténèbres, qui font ce qui est doux amer, et ce qui est amer doux. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leur propre sens. Malheur à ceux qui sont des héros pour boire le vin et des vaillants pour mêler les liqueurs fortes. À ceux qui justifient le méchant pour un présent et qui privent les justes de leurs droits. C'est pourquoi, comme la langue du feu dévore le chaume et comme l'herbe sèche s'abîme dans la flamme, leur racine sera semblable à la pourriture. Et leur fleur sera emportée comme la poussière. Car ils ont rejeté la loi du Seigneur des armées et méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère du Seigneur s'est embrasée contre son peuple. Il a étendu la main contre lui et il l'a frappé. Les montagnes sont ébranlées, leurs cadavres gisent au milieu des chemins, comme de l'ordure. Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, et sa main reste étendue. Il dresse une bannière pour les nations éloignées. Il les siffle des extrémités de la terre. Et voici qu'ils arrivent, prompts et légers. Il n'y en a pas un qui soit là et qui chancelle, pas un qui sommeille ou qui dorme. À aucun la ceinture de ses reins ne se détache, ni la courroie de ses sandales ne se rompt. Leurs flèches sont aiguisées, leurs arcs sont tous tendus. Les sabots de leurs chevaux sont durs comme le caillou, les roues de leurs chars pareilles à l'ouragan. Leur rugissement est celui du lion. Ils rugissent comme le lionceau. Il gronde et saisit sa proie. Il l'emporte et personne ne la lui arrache. En ce temps-là, il y aura sur le peuple un grondement semblable au grondement de la mer. On regardera le pays, et voilà les ténèbres, angoisse et lumière. Puis la nuit s'étend sur le ciel du pays. Chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient devant lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face, de 2, ils se couvraient les pieds, et de 2, ils volaient. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les fondements des portes étaient ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres souillées, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres souillées, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Vois, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché expié. » Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Et je dis « Me voici, envoyez-moi. » Il dit « Va et dis à ce peuple, entendez et ne comprenez point, voyez et n'ayez point l'intelligence. Appesantis le cœur de ce peuple, et rends dures ses oreilles, et bouche-lui les yeux, en sorte qu'il ne voie point de ses yeux, et n'entende point de ses oreilles, et qu'il ne se convertisse point, et ne soit point guéri. » Et je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ? » Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et sans habitants, que les maisons soient sans hommes, et que la terre soit ravagée et déserte, jusqu'à ce que le Seigneur ait éloigné les hommes, et que la solitude soit grande dans le pays. Et s'il y reste encore 1/10 de ses habitants, il sera anéanti à son tour. Mais, comme le térébinthe et le chêne, quand ils sont abattus, conservent leur souche, le tronc d'Israël sera une semence sainte. Chapitre 7. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Joatam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Razin, roi de Syrie, avec Phassé, fils de Romélie, roi d'Israël, monta contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais il ne put s'en emparer. On annonça à la maison de David cette nouvelle. La Syrie est campée en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Et le Seigneur dit à Isaïe, « Sors à la rencontre d'Akaz, toi et Séar-Jazub, ton fils, vers l'extrémité du canal de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. » Et tu lui diras, Prends garde, tiens-toi tranquille, ne crains point, et que ton cœur ne défaille point devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la fureur de Razin et de la Syrie, et du fils de Romélie. Parce que la Syrie a médité le mal contre toi, ainsi qu'Éphraïm et le fils de Romélie, en disant « Montons contre Juda, jetons-le dans l'épouvante, envahissons-le, et établissons-y pour roi le fils de Tabéel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'aura pas d'effet, cela ne sera pas, car la tête de la Syrie, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Razin. Et encore 65 ans, et Éphraïm aura cessé d'être un peuple. Et la tête d'Éphraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, c'est le fils de Romélie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Le Seigneur parla encore à Achaz en disant « Demande un signe au Seigneur, ton Dieu. Demande-le dans les profondeurs du Shéol ou dans les hauteurs du ciel. » Mais Achaz dit « Je ne le demanderai pas, je ne tenterai pas le Seigneur. » Et Isaïe dit « Écoutez, maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge a conçu, et elle enfante un fils, et elle lui donne le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu redoutes les deux rois sera dévasté. Le Seigneur fera venir sur toi et sur ton peuple, et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'en est pas venu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, le Seigneur sifflera la mouche qui est à l'extrémité des fleuves d'Égypte, et l'abeille qui est au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallées escarpées et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir qu'il aura loué au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds, et il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, un homme nourrira une vache et deux brebis, et, à cause de l'abondance du lait qu'elles donneront, on ne mangera plus que de la crème, car c'est de la crème et du miel que mangeront tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout endroit où il y avait 1000 ceps de vigne, valant 1000 pièces d'argent, sera couvert de ronces et d'épines. On y entrera avec des flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et sur toutes les montagnes que l'on cultivait avec le sarcloir, tu n'iras plus, par crainte des ronces et des épines. Elles seront un pâturage de bœufs, et une terre foulée par les brebis. Chapitre 8. Et le Seigneur me dit, « Prends une grande tablette, et écris-y en caractère lisible à tous, « Hâtez le pillage !» Butinez vite. » Et je pris avec moi des témoins dignes de foi, le prêtre Uri et Zacharie, fils de Jébarachi. Et je m'approchai de la prophétesse, et elle conçut et enfanta un fils. Et le Seigneur me dit, « Appelle-le Maher, Shalal, Shash, Baz. Car avant que l'enfant sache crier, « Mon père, ma mère, on portera les richesses de Damas et les dépouilles de Samarie devant le roi d'Assyrie. » Le Seigneur me parla encore en ces termes. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il se réjouit au sujet de Razin et du fils de Romélie, à cause de cela, voici que le Seigneur va faire venir sur eux les eaux du fleuve, fortes et profondes, le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et se répandra par-dessus toutes ses rives. Il pénétrera en Juda, il débordera, il inondera, il montera jusqu'au cou, et le déploiement de ses ailes couvrira toute l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel ! Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez défait. Prêtez l'oreille, vous toutes, extrémités de la terre. Équipez-vous, et vous serez défait. Équipez-vous, et vous serez défait. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils resteront sans effet, car Dieu est avec nous. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas suivre la voie de ce peuple, en disant « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez point ce qu'il craint, et ne vous effrayez pas. L'Éternel des armées, c'est lui que vous sanctifierez, lui qui sera votre crainte et votre frayeur. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'entre eux trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Lis le témoignage, scelle l'enseignement dans le cœur de mes disciples. J'espère dans le Seigneur, qui cache sa face à la maison de Jacob, et je me confie en lui. Voici que moi et mes enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part du Seigneur des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Quand ils vous diront « Consultez ceux qui évoquent les morts et les devins qui murmurent et chuchotent », répondez « Un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu ? Consultera-t-il les morts pour les vivants ? À l'enseignement et au témoignage. Si le peuple tient un autre langage, il n'y a point pour lui d'aurore. Il errera dans le pays, accablé de misère et affamé. » Et, quand il aura faim, il maudira dans sa fureur son roi et son Dieu. Il élèvera ses regards en haut et les abaissera vers la terre. Et voici la détresse, l'obscurité, une sombre angoisse. Il sera rejeté dans les ténèbres. Mais il n'y a plus de ténèbres pour la terre qui a été dans l'angoisse. Comme le premier temps a couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le dernier temps remplira de gloire le chemin de la mer, le pays d'au-delà du Jourdain et le district des nations. Chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi. Vous avez multiplié votre peuple. Vous avez rendu grande la joie. Il se réjouit devant vous comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la verge qui frappait son épaule, le bâton de son exacteur, vous les avez brisés comme au jour de Madian. Car toute sandale du guerrier dans la mêlée, et tout manteau roulé dans le sang sont livrés à l'incendie. Le feu les dévore. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'empire a été posé sur ses épaules, et on lui donne pour nom Conseiller admirable, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Pour étendre l'empire, et pour donner une paix sans fin au trône de David et à sa royauté, pour l'établir et l'affermir dans le droit et dans la justice, dès maintenant et à toujours. Le zèle du Seigneur des armées fera cela. Le Seigneur a envoyé une parole à Jacob, et elle est tombée en Israël. Tout le peuple en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie. Eux qui disent dans leur orgueil et dans la fierté de leur cœur « Les briques sont tombées, bâtissons en pierre de taille. Les sycomores sont coupés, remplaçons-les par des cèdres. Le Seigneur fait lever contre eux les adversaires de Razin, et il aiguillonne leurs ennemis. La Syrie à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Avec tout cela, sa colère ne s'est point détournée, et sa main reste étendue. Car le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappait, et ils n'ont pas recherché le Seigneur des armées. Et le Seigneur retranchera d'Israël la tête et la queue, la palme et le jonc, en un seul jour. L'ancien et le noble, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui guident ce peuple l'égarent, et ceux qui sont guidés se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne prendra pas plaisir en ces jeunes gens, et il n'aura pas compassion de ces orphelins et de ces veuves, car tous sont des impies et des pervers, et toute bouche profère l'impiété. Avec tout cela, sa colère ne s'est point détournée, et sa main reste étendue. Car la malice s'est allumée comme un feu. Elle dévore les ronces et les épines, elle embrase les halliers de la forêt, et la fumée s'élève en tourbillon. Par le courroux du Seigneur des armées, le pays est embrasé, et le peuple est devenu la proie des flammes. Nul n'épargne son frère. On coupe à droite, et l'on a faim. On dévore à gauche, et l'on n'est point rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé contre Éphraïm, Éphraïm contre Manassé, tous deux ensemble contre Juda. Avec tout cela, sa colère ne s'est point détournée, et sa main reste étendue. Chapitre 10. Malheur à ceux qui rendent des arrêts iniques, et aux scribes qui écrivent des sentences injustes, écartant du tribunal les faibles, et dépouillant de leurs droits les affligés de mon peuple, faisant des veuves leur proie, et pillant les orphelins. Que ferez-vous au jour de la visite, et dans la catastrophe qui viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où déposerez-vous vos trésors? Il ne reste qu'à se courber parmi les captifs, ou à tomber parmi les tués. Avec tout cela, sa colère ne s'est point détournée, et sa main reste étendue. Malheur à Assur, verge de ma colère, le bâton qui est dans sa main est l'instrument de ma fureur. Je l'envoie contre une nation impie, je lui donne mes ordres contre le peuple de mon courroux, pour le mettre au pillage et faire du butin, et le fouler aux pieds comme la boue des rues. Mais lui, ce n'est pas ainsi qu'il l'entend, et telle n'est pas la pensée de son cœur, car il ne songe qu'à détruire et à exterminer des nations, non en petit nombre. Il dit, « Mes princes ne sont-ils pas tous des rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchémis, et de Hamath comme d'Arphad, et de Samarie comme de Damas? Comme ma main a atteint les royaumes des divinités impuissantes, dont les idoles l'emportaient sur celles de Jérusalem et de Samarie, comme j'ai fait à Samarie et à ses dieux, ne ferai-je pas de même à Jérusalem et à ses images? Mais il arrivera, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Je visiterai le fruit du cœur hautain du roi d'Assyrie et l'arrogance de ses regards altiers. Car il a dit, « Par la force de ma main j'ai fait cela, et par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai déplacé les bornes des peuples, j'ai pillé leurs trésors, et, comme un héros, j'ai renversé du trône ceux qui y étaient assis. Ma main a saisi, comme un nid, les richesses des peuples, et, comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre sans que nul ait remué l'aile, ouvert le bec ou poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle contre la main qui la brandit? La scie s'élève-t-elle contre celui qui la meut? comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait ce qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, enverra le dépérissement sur ses robustes guerriers, et sous sa magnificence s'embrasera un feu, comme le feu d'un incendie. La lumière d'Israël sera un feu, et son sein une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Et la gloire de sa forêt et de son verger, il l'anéantira de l'âme au corps. Ce sera comme un malade qui meurt de consomption. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté. Un enfant les inscrirait. Et il arrivera en ce jour-là. Le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob ne continueront pas de s'appuyer sur celui qui les frappait, mais ils s'appuieront sur le Seigneur, le Saint d'Israël, avec fidélité. Un reste reviendra, un reste de Jacob, vers le Dieu fort. Car, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, c'est un reste qui reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Car la destruction qu'il a décrétée, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ne crains rien d'Assur, ô mon peuple qui habite Sion, quand il te frappera de la verge et qu'il lèvera sur toi le bâton, comme autrefois l'Égypte. Car, encore bien peu de temps, et mon courroux cessera, et ma colère se tournera contre eux pour les détruire. Et le Seigneur des armées lèvera contre eux le fouet, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et comme son bâton fut sur la mer. Et il le lèvera, comme autrefois en Égypte. Et il arrivera en ce jour-là. Le fardeau d'Assur sera ôté de ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et ta vigueur fera éclater le joug. Il est venu à Ajat, il a passé à Magron. Il laisse son bagage à Makmas. Ils ont passé le défilé. Ils ont campé la nuit à Gaba. Rama est dans l'épouvante. Gabaa de Saül prend la fuite. Pousse des cris de détresse, fille de Galim. Prête l'oreille, Laïs, pauvre Anatote. Medmena se disperse. Les habitants de Gabim sont en fuite. Encore un jour, et il sera à Nobé. Il lèvera sa main contre la montagne de la fille de Sion, contre la colline de Jérusalem. Voici que le Seigneur, l'Éternel des armées, abat avec fracas la ramure des arbres, les plus hauts coupés. Les plus élevés sont jetés par terre. Les fourrés de la forêt sont taillés avec le fer, et le Liban tombe sous les coups d'un puissant. Chapitre 11. Un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il mettra ses délices dans la crainte du Seigneur. Il ne jugera point sur ce qui paraîtra à ses yeux, et il ne prononcera point sur ce qui frappera ses oreilles. Il jugera les petits avec justice, et prononcera selon le droit pour les humbles de la terre. Il frappera la terre de la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice ceindra ses flancs, et la fidélité sera la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère reposera avec le chevreau. Le veau, le lion et le bœuf gras vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. La vache et l'ours iront au même pâturage, leurs petits auront un même gîte, et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de la vipère, et dans le repaire du basilic, l'enfant à peine sevré mettra sa main. On ne fera point de mal et on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme le fond des mers par les eaux qui le couvrent. Et il arrivera en ce jour-là, la racine de Jessé, élevée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son séjour sera glorieux. Et il arrivera en ce jour-là. Le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, ce qui subsistera au pays d'Assyrie et d'Égypte, de Patros, d'Éthiopie, d'Élam, de Sénaar, de Hamath et des îles de la mer. Il élèvera un étendard pour les nations, et il rassemblera les bannis d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et les inimitiés de Juda cesseront. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus l'ennemi d'Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront de concert les fils de l'Orient. Ils mettront la main sur Édom et Moab, et les fils d'Ammon leur seront soumis. Le Seigneur frappera d'anathème la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera la main contre le fleuve dans la vigueur de son souffle, et, le frappant, il le partagera en sept ruisseaux, et fera qu'on y marche en sandales. Et ainsi, il y aura une route pour le reste de son peuple, ce qui en subsistera au pays d'Assyrie, comme il y en eut une pour Israël au jour où il monta du pays d'Égypte. Chapitre 12. Et tu diras en ce jour-là, « Je te loue, Seigneur, car tu étais irrité, mais ta colère s'est détournée et tu me consoles. Voici le Dieu de ma délivrance. J'ai confiance et je ne crains pas, car ma force et ma louange, c'est le Seigneur, l'Éternel. Il a été pour moi le salut. Vous puiserez des eaux avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez le Seigneur, invoquez son nom, publiez parmi les peuples ses grandes œuvres, proclamez que son nom est élevé. Chantez le Seigneur, car il a fait des choses magnifiques, qu'on le sache dans toute la terre. Pousse des cris, tressaille d'allégresse, habitante de Sion, car le Saint d'Israël est grand au milieu de toi. » Chapitre 13. Oracle sur Babylone, révélé à Isaïe, fils d'Amoz. Sur une montagne nue, levez un étendard. Appelez-les à haute voix, faites des signes de la main, et qu'ils franchissent les portes des princes. Moi, j'ai donné ordre à mes consacrés. J'ai appelé mes héros pour servir ma colère, ceux qui acclament avec joie ma majesté. On entend sur les montagnes une rumeur. On dirait le bruit d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. C'est le Seigneur des armées qui passe en revue ses troupes de guerre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité du ciel. Le Seigneur est les instruments de son courroux pour ravager toute la terre. Poussez des hurlements, car le jour du Seigneur est proche. Il vient comme une dévastation du Tout-Puissant. C'est pourquoi toute main sera défaillante et tout cœur d'homme se fondra. Ils trembleront, les transes et les douleurs les saisiront. Ils se tordront comme une femme qui enfante. Ils se regarderont les uns les autres avec stupeur. Leurs visages seront comme la flamme. Voici que le jour du Seigneur est venu, jour cruel, de fureur et d'ardente colère, pour réduire la terre en désert et en exterminer les pécheurs. Car les étoiles du ciel et leurs constellations ne font point briller leur lumière. Le soleil s'est obscurci à son lever, et la lune ne répand plus sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'arrogance des superbes, et j'abaisserai l'orgueil des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, plus rares que l'or d'Orphir. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux, et la terre sera ébranlée de sa place, par la fureur du Seigneur des armées, au jour où s'allumera sa colère. Alors, comme une gazelle que l'on poursuit, comme un troupeau que personne ne rassemble, chacun se tournera vers son peuple et s'enfuira dans son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront transpercés, tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons pillées et leurs femmes violées. Voici que je vais lever contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent et ne convoitent pas l'or. Leurs arcs écraseront les jeunes gens. Ils ne feront point grâce aux fruits des entrailles. Leur œil n'aura pas pitié des enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la parure des fiers chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu a détruites. Elle ne sera jamais plus peuplée. Elle ne sera plus habitée dans le cours des âges. L'Arabe n'y dressera pas sa tente, et le berger n'y parquera pas ses troupeaux. Les animaux du désert y feront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons. Là habiteront les autruches, et le satyre y bondira. Les chacals hurleront dans ses palais déserts, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisir. Son temps est proche, et ses jours ne seront pas prolongés. Chapitre 14. Car le Seigneur aura pitié de Jacob, et il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers s'adjoindront à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront chez eux, et la maison d'Israël se les appropriera sur la terre du Seigneur, comme serviteurs et comme servantes. Ils feront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et au jour où le Seigneur te fera reposer de ton labeur, de tes anxiétés, et de la dure servitude qu'on t'avait imposée, tu entonneras cette satire contre le roi de Babylone, et tu diras : comment a fini le tyran, a cessé l'oppression ? Le Seigneur a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs. Il frappait avec fureur les peuples de coups sans relâche. Dans sa colère, il tenait les nations sous le joug par une persécution sans répit. Toute la terre est en repos. Elle est tranquille. Elle éclate en cris d'allégresse. Les cyprès même se réjouissent de ta chute avec les cèdres du Liban. Depuis que tu es couché là, personne ne monte plus pour nous abattre. Le Shéol, dans ses profondeurs, s'émeut à ton sujet, pour venir à ta rencontre. Il réveille pour toi les ombres, tous les monarques de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils prennent la parole pour te dire : toi aussi, tu es déchu comme nous, et te voilà semblable à nous. Ton faste est descendu au Shéol, avec le son de tes harpes. Sous toi sont répandus les vers, et la vermine est ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu renversé par terre, toi, le destructeur des nations? Toi qui disais en ton cœur, « Je monterai dans les cieux. Au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, dans les profondeurs du Septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et te voilà descendu au Shéol, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent avec attention. Est-ce là l'homme qui troublait la terre, qui ébranlait les royaumes, qui faisait du monde un désert, détruisait les villes et ne laissait pas ses captifs revenir chez eux? Tous les rois des nations, tous, reposent avec honneur, chacun dans sa maison. Mais toi, on t'a jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on méprise, couvert de mort, égorgé par l'épée, et précipité dans les flancs rocheux de l'abîme, comme un cadavre qu'on foule aux pieds. Tu ne seras pas avec eux dans la tombe, car tu as ruiné ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne nommera plus jamais la race des méchants. Préparez à ses fils un massacre pour le crime de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre, qu'ils ne couvrent pas de ville la face du monde. Je me lèverai contre eux, oracle du Seigneur des armées, et j'anéantirai de Babylone le nom et le reste, la race et le rejeton, oracle du Seigneur. Et j'en ferai un nid de hérissons et un étang d'eau, et je la balayerai avec le balai de la destruction, oracle du Seigneur des armées. Le Seigneur des armées a juré en disant : Oui, le dessein qui est arrêté s'accomplira, et ce que j'ai décidé se réalisera. Je briserai Assur dans ma terre, et je le foulerai sur mes montagnes. Alors son joug sera ôté de dessus eux, et son fardeau sera enlevé de leurs épaules. C'est là le destin qui est arrêté contre toute la terre, et c'est là la main qui est étendue contre toutes les nations. Car le Seigneur des armées a décidé. Et qui l'empêcherait? Sa main est étendue, et qui la détournerait? L'année de la mort du roi Akaz, cet oracle fut prononcé. Ne te livre pas à la joie, Philistie tout entière, de ce que la verge qui te frappait a été brisée, car de la race du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Alors les plus pauvres trouveront leur pâture, et les malheureux reposeront en sécurité. Mais je ferai périr ta race par la faim, et ce qui restera de toi sera exterminé. Hurle, ô porte, pousse des cris, ô ville. Pâme-toi de frayeur, Philistie tout entière. Car du septentrion vient une fumée, et nul ne se débande dans ses bataillons. Que répondra-t-on aux envoyés de la nation? Que le Seigneur a fondé Sion et que les affligés de son peuple y trouvent un refuge. Chapitre 15. Oracle sur Moab. Oui, dans la nuit où elle a été saccagée, Ar Moab a été ruiné. Dans la nuit où elle a été saccagée, Kir Moab a été ruiné. On monte au temple de Chamos et à Dibon, au haut lieu, pour pleurer. Sur Nebo et Médéba, Moab se lamente. Toute tête est rasée, toute barbe est coupée. Dans ses rues, ils se revêtent de sacs. Sur ses toits et sur ses places publiques, tous poussent des hurlements, fondent en larmes. Hézbon et Éliahlé jettent des cris. On entend leur voix jusqu'à Jaha. C'est pourquoi les guerriers de Moab se lamentent, et son âme est tremblante. Mon cœur gémit sur Moab. Ses défenseurs sont déjà à Ségor, à Eglat Shelishia. Oui, la montée de Luhit, on la gravit en pleurant, et sur le chemin de Horonaïm, on pousse des cris de détresse. Car les eaux de Nimrim sont taries. L'herbe est desséchée, le gazon est détruit, il n'y a plus de verdure. Ce qu'ils ont pu sauver et leurs provisions, ils les transportent au-delà du torrent des Saules. Car les cris ont fait le tour du territoire de Moab, ses hurlements retentissent jusqu'à Églaïm, ses hurlements jusqu'à Béer Élim, car les eaux de Dimon sont pleines de sang. car je ferai venir sur Dimon un surcroît de malheur. Un lion aura échappé de Moab à ce qui sera resté dans le pays. Chapitre 16. Envoyez l'agneau du dominateur du pays, de Pétra à travers le désert, à la montagne de la fille de Sion. Comme des oiseaux fugitifs, comme une nichée que l'on disperse, telles sont les filles de Moab au passage de l'Arnon. Conseille-nous, sois notre arbitre. Donne-nous l'ombre, comme dans la nuit, au milieu du jour. Cache ceux que l'on poursuit, ne trahis point les fugitifs. Que les fugitifs de Moab demeurent chez toi. Sois-leur une retraite contre le dévastateur. Car l'invasion a cessé, la dévastation a pris fin. Les oppresseurs ont disparu du pays. Le trône est affermi par la miséricorde, et sur ce trône s'assiera selon la vérité, dans la tente de David, un juge poursuivant le droit et zélé pour la justice. Nous connaissons l'orgueil de Moab, le très orgueilleux, sa fierté et son orgueil, son arrogance et ses discours mensongers. Que Moab se lamente donc sur Moab, que tous se lamentent. Sur les gâteaux de raisin de Kir Hareseth, gémissez, tout consternés. Car les champs de Hézebon sont désolés, de la vigne de Sabama, les maîtres des nations ont détruit les treilles. Elle qui s'étendait jusqu'à Jazer, allait se perdre dans le désert, poussait au loin leurs rejetons, passait par-delà la mer. C'est pourquoi je pleure, comme pleure Jazer, sur la vigne de Sabama. Je vous arrose de mes larmes, Hézebon, Éléalé, car sur vos fruits et sur votre moisson est venu fondre le cri du pressureur. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers. Dans les vignes, plus de chants, plus de cris de joie. Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser le cri joyeux du pressureur. Aussi mes entrailles, au sujet de Moab, frémissent comme une harpe, ainsi que mon cœur au sujet de Kir Hares. Et l'on verra Moab se fatiguer sur ses hauts lieux. Il entrera dans son sanctuaire pour prier, et il n'obtiendra rien. Tel est l'oracle que le Seigneur a prononcé sur Moab depuis un long temps. Et maintenant le Seigneur parle et dit, « Dans 3 ans, comptez comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab avec sa grande multitude sera avilie, et ce qui en restera sera peu de chose, petit et faible. » Chapitre 17. Oracle sur Damas. Voici Damas retirée du nombre des villes. Elle ne sera plus qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroer sont abandonnées. Elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y reposent et personne ne les chasse. La forteresse sera ôtée à Éphraïm et la royauté à Damas. Il en sera du reste de la Syrie comme de la gloire des enfants d'Israël. Oracle du Seigneur des armées. Et il arrivera en ce jour-là. La gloire de Jacob sera flétrie, et la graisse de son corps sera amaigrie. Il en sera comme lorsque le moissonneur rassemble les gerbes et que son bras coupe les épis. Il en sera comme lorsqu'on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Il restera un grappillage, comme lorsqu'on secoue l'olivier. 2. 3 olives au haut de la cime. 4. 5 aux branches de l'arbre. Oracle du Seigneur, le Dieu d'Israël. En ce jour-là, l'homme regardera vers celui qui l'a fait, et ses yeux contempleront le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, œuvre de ses mains. Il ne contemplera plus ce que ses doigts ont façonné, les achéras et les piliers du soleil. En ce jour-là, ces villes fortes seront comme les villes abandonnées dans les bois et les montagnes, qui furent abandonnées devant les enfants d'Israël. Ce sera un désert. car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ta force. C'est pourquoi tu plantes des plantations agréables et tu y mets des ceps de l'étranger. Le jour où tu les plantes, tu les entoures d'une clôture et, le lendemain matin, tu fais fleurir tes semences et la moisson t'échappe au jour de la maladie et de la douleur mortelle. Oh, rumeur de peuples nombreux, ils mugissent comme mugissent les mers, grondement des nations. Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Mais ils les menacent. Elles fuient au loin. Elles sont dispersées comme la paille des hauteurs au souffle du vent, comme un tourbillon de poussière devant l'ouragan. Au temps du soir, voici la consternation. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous pillent et le sort de ceux qui nous dépouillent. Chapitre 18. Ô, terre où résonne le bruissement des ailes, au-delà des fleuves de Couche. Toi qui envoies des messagers sur la mer, dans des nacelles de joncs, sur la face des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation à la haute stature, à la peau rasée, vers le peuple redouté au loin, nation impérieuse et qui écrase, et dont la terre est sillonnée de fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, quand l'étendard sera levé sur les montagnes, regardez. Quand la trompette sonnera, écoutez. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Je me tiendrai en repos et je regarderai, assis dans ma demeure, comme une chaleur sereine par un brillant soleil, comme un nuage de rosée dans la chaleur de la moisson. Car avant la moisson, quand la floraison sera passée, et que la fleur sera devenue une grappe bientôt mûre, alors il coupera les pampres à coups de serpe. Il enlèvera les sarments, il les détachera. Ils seront livrés tous ensemble aux vautours des montagnes et aux bêtes de la terre. Les vautours en feront leur proie pendant l'été et les bêtes de la terre pendant l'hiver. En ce temps-là, une offrande sera apportée au Seigneur des armées, de la part du peuple à la haute stature, à la peau rasée, de la part du peuple redouté au loin, nation impérieuse et qui écrase, et dont la terre est sillonnée de fleuves, au séjour du nom du Seigneur des armées, à la montagne de Sion. Chapitre 19. Oracle sur l'Égypte. Voici que le Seigneur, porté sur une nuée légère, entre en Égypte. Les idoles de l'Égypte tremblent en sa présence, et le cœur de l'Égypte se fond au-dedans d'elle. Je pousserai l'Égypte contre l'Égypte, et ils se battront frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte s'évanouira en elle, et j'anéantirai son conseil. Ils interrogeront les idoles et les enchanteurs, les nécromanciens et les devins. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître dur, et un roi redoutable dominera sur eux. Oracle du Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve s'épuisera et se desséchera. Les rivières deviendront infectes. Les canaux d'Égypte baisseront et se dessécheront. Les joncs et les roseaux se flétriront. Les prairies le long du Nil, sur les bords du Nil, tous les champs ensemencés le long du Nil sécheront, s'évanouiront, et il n'y en aura plus. Les pêcheurs gémiront et se lamenteront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve. Ceux qui tendent le filet sur la face des eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et ceux qui tissent le coton seront consternés. Les colonnes de l'Égypte seront brisées, tous les artisans seront dans l'abattement. Les princes de Tanis ne sont que des insensés, des sages conseillers de Pharaon. Les conseils sont stupides. Comment osez-vous dire à Pharaon « Je suis fils des sages, fils des rois antiques. Où sont-ils, tes sages ? Qu'ils t'annoncent donc, qu'ils devinent ce que le Seigneur des armées a décrété contre l'Égypte. Les princes de Tanis ont perdu le sens. Les princes de Memphis sont dans l'illusion. Ils égarent l'Égypte, eux, la pierre angulaire de ces castes. Le Seigneur a répandu au milieu d'elles un esprit de vertige, et ils font errer l'Égypte dans tout ce qu'elle fait, comme erre un homme ivre dans son vomissement. Et il n'y aura aucune œuvre qui profite à l'Égypte, de tout ce que pourra faire la tête ou la queue, la palme ou le jonc. En ce jour-là, l'Égypte sera comme les femmes. Elle tremblera et s'épouvantera en voyant se lever la main du Seigneur des armées, qu'il lève contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un sujet de terreur. Chaque fois qu'on le lui rappellera, elle tremblera, à cause de l'arrêt du Seigneur des armées qu'il a porté contre elle. En ce jour-là, il y aura 5 villes sur la terre d'Égypte, qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment au Seigneur des armées. L'une d'elles s'appellera Ville du Soleil. En ce jour-là, il y aura un autel pour le Seigneur au milieu du pays d'Égypte, et près de la frontière, une stèle pour le Seigneur. Et ce sera pour le Seigneur des armées un signal et un témoignage sur la terre d'Égypte. Quand ils crieront vers le Seigneur, à cause des oppresseurs, il leur enverra un sauveur et un champion pour les délivrer. Le Seigneur se fera connaître de l'Égypte, et l'Égypte connaîtra le Seigneur, en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux au Seigneur et les accompliront. Le Seigneur frappera l'Égypte, frappant et guérissant. Ils se convertiront au Seigneur, et il se laissera fléchir par eux et les guérira. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. L'Assyrien viendra en Égypte, et l'Égyptien ira en Assyrie. Et l'Égypte servira le Seigneur avec Assur. En ce jour-là, Israël s'unira, lui troisième, à l'Égypte et à l'Assyrie, pour être une bénédiction au milieu de la terre. Le Seigneur des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et Assur, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. » Chapitre 20. L'année où Tartan vint à Azoth, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, assiégea Azoth et la prit. En ce temps-là, le Seigneur parla par le ministère d'Isaïe, fils d'Amos, en disant « Va, détache le sac qui couvre tes reins, et ôte les sandales de tes pieds. » Et il fit ainsi, marchant nu et déchaussé. Et le Seigneur dit « De même que mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaussé, étant pendant 3 ans un signe et un présage, pour l'Égypte et pour l'Éthiopie, ainsi le roi d'Assyrie emmènera les captifs de l'Égypte et les déportés de l'Éthiopie, jeunes gens et vieillards, nus et déchaussés, et les reins découverts, à la honte de l'Égypte. Alors ils seront consternés et confus à cause de l'Éthiopie, qui était leur espoir, et de l'Égypte, qui était leur sujet de gloire. Et l'habitant de ce rivage dira en ce jour-là, voilà ce qu'est devenu celui en qui nous espérions, celui auprès de qui nous voulions fuir pour chercher du secours, pour être délivrés des mains du roi d'Assyrie. Et nous, comment échapperons-nous ? Chapitre 21. Oracle sur le désert de la mer. Comme les ouragans passent dans le midi, cela vient du désert, d'une terre redoutable. Une vision terrible m'a été montrée. Le pillard pille et le ravageur ravage. Monte, Élam, assiège, Mède. Je fais cesser tous les gémissements. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme qui enfante. Je me tords à entendre, je m'épouvante à voir. Mon cœur s'égare, l'effroi me saisit. De la nuit que je désirais, on a fait pour moi un temps de terreur. On dresse la table, la sentinelle fait le guet. On mange, on boit. Debout, capitaine, oignez le bouclier, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, établis une sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Et elle verra des cavaliers, deux à deux, sur des chevaux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle regardera avec attention, avec grande attention. Et elle a crié comme un lion. Sur la tour de guet, Seigneur, je me tiens, sans cesse tout le jour, et à mon poste je suis debout toutes les nuits. Voici qu'arrive de la cavalerie, des cavaliers deux à deux. Et elle a repris et dit, « elle est tombée, Babylone, et toutes les statues de ses dieux, il les a brisées contre terre. Ô mon froment qu'on foule, grain de mon air, ce que j'ai entendu du Seigneur des armées, du Dieu d'Israël, je vous l'annonce. » Oracle sur Douma. On me crie de Séhir. Sentinelle, où en est la nuit? Sentinelle, où en est la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez m'interroger, interrogez. Revenez une autre fois. Oracle en Arabie. Vous passerez la nuit dans les steppes en Arabie, caravane de Dédan. À la rencontre de celui qui a soif, apportez de l'eau. Les habitants du pays de Théma offrent du pain aux fugitifs, car ils ont fui devant l'épée nue, devant l'arc bandé, devant la terrible bataille. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année, comptée comme les années du mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Cédar. Et des arcs des vaillants fils de Cédar, il ne restera que peu de choses, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, a parlé. Chapitre 22. Oracle sur la vallée de Vision. Qu'as-tu donc que tu sois monté tout entière sur les toits, cité bruyante, pleine de tumulte, ville joyeuse? Tes morts n'ont pas péri par l'épée, et ne sont pas tombés dans le combat. Tes chefs ont fui tous ensemble, ils ont été pris sans qu'on ait tiré de l'arc. Tous tes citoyens ont été pris ensemble, comme ils fuyaient au loin. C'est pourquoi j'ai dit, « Détournez de moi vos regards, que je pleure amèrement. Ne vous empressez pas à me consoler sur la ruine de la fille de mon peuple, car c'est un jour de confusion, d'écrasement, de perplexité, envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée des visions. On démolit la muraille, on entend des cris vers la montagne. Élam a pris le carquois, il vient avec des chars et des cavaliers. Et Kir a tiré le bouclier de son enveloppe. Tes plus belles vallées sont remplies de chars, et les cavaliers sont postés devant tes portes. On ôte à Judas son voile. Et en ce jour-là, tu regardes vers l'arsenal du palais de la forêt et les brèches de la cité de David. Vous voyez qu'elles sont nombreuses. Et vous avez recueilli les eaux de l'étang inférieur. Vous avez compté les maisons de Jérusalem. Et vous avez démoli les maisons pour réparer les murailles. Vous avez fait un réservoir entre les deux murs pour les eaux du vieil étang. Mais vous n'avez pas regardé vers celui qui a fait cela, et vous n'avez pas vu celui qui l'a préparé de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelait, en ce jour-là, à pleurer et à vous lamenter, à raser votre tête et à ceindre le sac. Et voici la fête, la réjouissance. On égorge les bœufs, on tue des brebis, on se gorge de viande et on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées l'a révélé à mes oreilles. Ce péché ne vous sera pas remis jusqu'à ce que vous mouriez, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel des armées. Va trouver cet intendant, Sobna, le préfet du palais, et dis-lui : Qu'as-tu à faire ici ? Et qui es-tu ici, que tu te creuses ici un sépulcre ? Toi qui te creuses un sépulcre sur un lieu élevé, qui te taille dans le roc une demeure. Voici que le Seigneur va te lancer d'un bras viril. Il va te faire tourner, il te fera rouler avec force, rouler comme une boule sur une vaste plaine. Là tu mourras, là seront tes chars magnifiques, ô l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste, le Seigneur t'arrachera de ta place. Et il arrivera en ce jour-là. J'appellerai mon serviteur Éliacim, fils d'Elcias. Je le revêtirai de ta tunique et je le ceindrai de ton écharpe. Je mettrai ton autorité entre ses mains et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne n'ouvrira. Je le planterai comme un clou en un lieu solide. Et il deviendra un trône de gloire pour la maison de son père. À lui sera suspendue toute la gloire de la maison de son père. Les fils et les petits-fils, tous les plus petits vases, depuis la coupe jusqu'au jar. En ce jour-là, oracle du Seigneur des armées, le clou planté en un lieu solide sera ôté. Il sera arraché et tombera, et le fardeau qu'il portait sera détruit, car le Seigneur a parlé. Chapitre 23. Oracle sur Tyr. Hurlez, navire de Tarsis, car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Sétim qu'ils en reçoivent la nouvelle. Soyez dans la stupeur, habitants de la côte, que remplissaient les marchands de Sidon, parcourant la mer. À travers les grandes eaux, le blé du Nil, les moissons du fleuve étaient son revenu. Elle était le marché des nations. Rougis de honte, Sidon, car la mer a parlé, la citadelle de la mer, en disant : Je n'ai pas été en travail, je n'ai pas enfanté, je n'ai point nourri de jeunes gens, et je n'ai point élevé de vierges. Quand l'Égypte en apprendra la nouvelle, elle sera saisie d'effroi à la nouvelle de la chute de Tyr. Passez à Tarsis et hurlez, habitants de la côte. Est-ce là votre cité joyeuse, dont l'origine remontait aux jours anciens, et que ses pieds portaient au loin pour y séjourner? Qui a décidé cela contre Tyr? Qui donnait des couronnes dont les marchands étaient des princes, et les trafiquants des grands de la terre? C'est le Seigneur des armées qui l'a décidé, pour flétrir l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre. Répands-toi dans ton pays, comme le Nil, fille de Tarsis, car tu n'as plus de ceinture. Le Seigneur a étendu sa main sur la mer. Il a fait trembler les royaumes. Il a décrété contre Canaan la ruine de ses forteresses. Et il a dit : Tu ne te livreras plus à la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon. Lève-toi, passe à Sétim. Là même, plus de repos pour toi. Vois le pays des Chaldéens, de ce peuple qui n'était pas, et qui a livré Assur aux bêtes du désert. Ils ont élevé leur tour, détruit ses palais. Ils en ont fait un monceau de ruines. Hurlez, navires de Tarsis, car votre forteresse est détruite. Il arrivera, en ce jour-là, que Tyr sera oublié 70 ans, la durée des jours d'un roi. Et au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme dans la chanson de la courtisane. Prends ta harpe, fais le tour de la ville, courtisane oubliée. Joue avec art, multiplie tes chants, pour qu'on se souvienne de toi. Et il arrivera, au bout de 70 ans, que le Seigneur visitera Tyr, et elle recevra de nouveau son salaire, et elle se prostituera à tous les royaumes de la terre, sur la face du monde. Et son gain et son salaire seront consacrés au Seigneur. Ils ne seront ni amassés, ni mis en réserve, car son gain appartiendra à ceux qui habitent devant le Seigneur, pour qu'ils mangent, se rassasient et se parent magnifiquement. Chapitre 24. Voici que le Seigneur va dévaster la terre entière et la dépeupler. Il en bouleversera la face et en dispersera les habitants. Et il en sera du prêtre comme du peuple, du maître comme de son serviteur, de la maîtresse comme de sa servante, du vendeur comme de l'acheteur, de l'emprunteur comme du prêteur, du débiteur comme du créancier. La terre sera dévastée et livrée au pillage, car le Seigneur a prononcé cette parole. La terre est en deuil, épuisée. Le monde est languissant et épuisé. L'élite des habitants de la terre languit. La terre a été profanée sous ses habitants, car ils ont transgressé les lois, violé le commandement, rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants portent leur peine. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, et ce qui reste de mortels est en petit nombre. Le jus de la vigne est en deuil, le cep languit. Tous ceux qui avaient la joie au cœur gémissent. Le son joyeux des tambourins a cessé, les fêtes bruyantes ont pris fin. Le son joyeux de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin au bruit des chansons. La liqueur enivrante est amère aux buveurs. Elle est renversée, la ville de confusion. Toute maison est fermée, on ne peut y entrer. On pousse des clameurs dans les rues, faute de vin. Toute allégresse a disparu. La joie est bannie de la terre. Il ne reste de la ville que décombres, et les portes brisées sont en ruine. Car il en sera au milieu de la terre, parmi les peuples, comme quand on abat des olives, comme quand on grappille après la vendange. Ceux-là élèvent leur voix, ils chantent, ils acclament de la mer la majesté du Seigneur. Louez le Seigneur dans les régions de l'aurore, le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, dans les îles du couchant. De l'extrémité de la terre nous entendons des cantiques. Gloire au juste. Mais j'ai dit, je suis perdu. Je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent sans mesure. Épouvante, fosse et filet sont sur moi, habitant de la terre. Celui qui fuira devant le cri d'épouvante tombera dans la fosse, et celui qui remontera du milieu de la fosse sera pris au filet. Car les écluses d'en haut sont ouvertes, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre se brise avec violence, la terre éclate avec fracas, la terre s'ébranle avec force. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme un hamac. Son iniquité pèse sur elle. Elle s'écroule pour ne plus se relever. En ce jour-là, le Seigneur visitera dans les hauteurs l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Et ils seront réunis captifs dans l'abîme, et ils seront emprisonnés dans la prison. Après un grand nombre de jours, ils seront visités. Et la lune rougira, et le soleil pâlira. Parce que le Seigneur des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, et devant ses anciens éclatera la gloire. Chapitre 25. Seigneur, vous êtes mon Dieu, je vous exalterai. Je louerai votre nom, car vous avez fait des choses merveilleuses. Vos desseins formés de loin sont fidèles et fermes. Car vous avez fait de la ville un monceau de pierres, et de la cité fortifiée une ruine. La citadelle des barbares n'est plus une ville, elle ne sera jamais rebâtie. C'est pourquoi un peuple puissant vous glorifiera. La cité des nations terribles vous révérera. Vous avez été une forteresse pour le faible, une forteresse pour le pauvre dans sa détresse, un abri contre l'orage, un ombrage contre l'ardeur du soleil. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui bat une muraille. Comme l'ardeur du soleil sur une terre aride, vous abattez l'insolence des barbares. Comme l'ardeur du soleil par l'ombrage d'un nuage, le chant de triomphe des oppresseurs est étouffé. Et le Seigneur des armées préparera, pour tous les peuples sur cette montagne, un festin de viande grasse, un festin de vin pris sur la lie, de viande grasse et pleine de moelle, de vin pris sur la lie et clarifié. Et il déchirera sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples, et la couverture qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car le Seigneur a parlé. On dira en ce jour-là, « Voici notre Dieu, en qui nous espérions pour être sauvés. C'est le Seigneur, en qui nous avons espéré. Livrons-nous à l'allégresse et réjouissons-nous en son salut. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne, mais Moab sera foulé sur place, comme est foulée la paille dans la mare à fumier. Dans cette fange, il étendra ses mains comme le nageur les étend pour nager. Mais le Seigneur rabaissera son orgueil, malgré tout l'effort de ses mains. Le rempart élevé de tes murs, il l'abattra, il le renversera, il le jettera à terre, dans la poussière. » Chapitre 26. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans la terre de Juda. Nous avons une ville forte, il fait de son salut le mur et l'avant-mur. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste, qui garde la vérité. Au cœur constant, vous assurez la paix, parce qu'il se confie en vous. Confiez-vous dans le Seigneur à jamais, car le Seigneur est le rocher des siècles. Il a humilié ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe, il l'a abaissée jusqu'à terre et lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds, sous les pieds des humbles, les pas des malheureux. Le sentier du juste est uni, elle est droite la voie que vous aplanissez au juste. Oui, sur le sentier de vos jugements, nous vous attendions, ô Seigneur. Votre nom et votre souvenir étaient le désir de nos âmes. Mon âme vous a désiré pendant la nuit, et au-dedans de moi mon esprit vous cherchait. Car, lorsque vos jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Dans le pays de la droiture, il agit en pervers. Et il ne voit pas la majesté du Seigneur. Seigneur, votre main est levée, il ne la voit point. Ils verront votre zèle pour votre peuple et seront confus. Le feu fait pour vos adversaires les dévorera. Seigneur, vous nous assurerez la paix, car toute notre œuvre, c'est vous qui l'avez faite pour nous. Seigneur, notre Dieu, d'autres maîtres que vous ont dominé sur nous. Grâce à vous seul, nous pouvons célébrer votre nom. Les morts ne vivront plus, les ombres ne ressusciteront point. Vous les avez visités et exterminés, et vous avez anéanti d'eux tout souvenir. Vous avez accru la nation, Seigneur. Vous avez accru la nation et manifesté votre gloire. Vous avez reculé les limites du pays. Seigneur, dans la détresse, ils vous ont recherché. Ils ont exhalé leurs plaintes quand vous les frappiez. Comme une femme enceinte, prête à enfanter, se tord et crie dans ses douleurs, ainsi nous étions devant votre face, Seigneur. Nous avons conçu dans la douleur et enfanté du vent. Nous n'avons pas donné le salut à la terre, et il n'est pas né d'habitants du monde. Vos morts vivront, mes cadavres ressusciteront. Réveillez-vous et chantez, vous qui êtes couchés dans la poussière, car votre rosée, Seigneur, est une rosée de lumière, et la terre rendra au jour les trépassés. Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère ait passé. Car voici que le Seigneur sort de sa demeure, pour visiter l'iniquité des habitants de la terre. Et la terre découvrira le sang qu'elle a bu, et ne cachera plus ses tués. Chapitre 27. En ce jour-là, le Seigneur visitera de son épée dure, grande et forte, Léviathan, le serpent agile, Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, on dira « Une vigne au vin généreux, chantez-la. C'est moi, le Seigneur, qui la garde. Je l'arrose en tout temps. De peur qu'on y pénètre, nuit et jour je la garde. Je n'ai plus de colère. Qui me donnera des ronces et des épines à combattre? Je marcherai contre elles, je les brûlerai toutes. Ou bien, qu'on s'attache à ma protection, qu'on fasse la paix avec moi, qu'avec moi on fasse la paix. Dans les jours à venir, Jacob poussera des racines, Israël donnera des fleurs et des rejetons, et il remplira de ses fruits la face du monde. L'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme furent tués ceux qui l'avaient tué? Avec mesure, par l'exil, vous le châtiez. Il l'a chassé d'un souffle impérieux, en un jour de vent d'Orient. Ainsi donc sera expédiée l'iniquité de Jacob, et voici tout le fruit du pardon de son péché. Quand il aura mis les pierres des autels en poudre, comme des pierres à chaud, les achéras et les images du soleil ne se relèveront plus. Car la ville forte est devenue une solitude, une demeure délaissée et abandonnée, comme le désert. Là paissent les veaux, ils s'y couchent et broutent les rameaux. Quand les branches sont sèches, on les brise. Des femmes viennent et les brûlent. Car ce n'est pas un peuple sage. C'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura point pitié, et celui qui l'a formé ne lui fera pas grâce. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur secouera le blé depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez recueillis un à un, enfants d'Israël. Et il arrivera en ce jour-là que sonnera la grande trompette, et ceux qui étaient perdus au pays d'Assur et ceux qui étaient bannis au pays d'Égypte reviendront et se prosterneront devant le Seigneur sur la sainte montagne à Jérusalem. Chapitre 28. Malheur à l'orgueilleux diadème des buveurs d'Éphraïm, à la fleur éphémère qui fait l'éclat de leur parure sur les sommets de la fertile vallée des hommes ivres de vin. Voici qu'un ennemi fort et puissant vient de la part du Seigneur, comme une averse de grêle, un ouragan destructeur. Comme une averse de grosses eaux qui débordent, il le jettera par terre avec violence. Il sera foulé aux pieds l'orgueilleux diadème des buveurs d'Éphraïm, et il en sera de la fleur éphémère qui fait l'éclat de leur parure, au sommet de la fertile vallée, comme d'une figue mûrie avant l'été. Celui qui l'aperçoit l'a à peine dans la main, qu'il l'avale. En ce jour-là, le Seigneur sera un brillant diadème et une couronne de gloire pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui siège pour la justice, une force pour ceux qui repoussent l'assaut à la porte. Eux aussi sont troublés par le vin, égarés par les boissons fortes. Prêtres et prophètes sont égarés par les boissons fortes. Ils sont noyés dans le vin, égarés par les boissons fortes. Ils sont troublés en prophétisant. Ils vacillent en jugeant. Toutes les tables sont couvertes d'immondes vomissements. Il n'y a plus de place. À qui veut-il enseigner la sagesse? Et à qui veut-il faire comprendre la leçon? À des enfants à peine sevrés, à peine détachés de la mamelle? Car c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, tantôt ceci, tantôt cela. Eh bien, c'est par des gens qui balbutient, et dans une langue étrangère, que le Seigneur parlera à ce peuple. Il avait dit, « Voici le lieu du repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le soulagement. » Mais ils n'ont pas voulu entendre. La parole du Seigneur sera donc pour eux ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, tantôt ceci, tantôt cela, afin qu'ils aillent et tombent à la renverse, qu'ils se brisent, qu'ils soient pris au filet. C'est pourquoi écoutez la parole du Seigneur, homme moqueur, chef de ce peuple qui est à Jérusalem. Vous dites, « Nous avons fait un pacte avec la mort, nous avons fait une convention avec le Shéol. Le fléau débordant passera et ne nous atteindra pas, car nous nous sommes fait du mensonge un refuge et de la fraude un abri. » C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, angulaire, de prix, solidement posée. Qui s'appuiera sur elle avec foi ne fuira pas. Je prendrai le droit pour règle et la justice pour niveau. Et la grêle balayera le refuge de mensonge et les eaux emporteront votre abri. Votre pacte avec la mort sera anéanti. Et votre convention avec le Shéol ne subsistera pas. Quand le fléau débordant passera, il vous écrasera. Aussi souvent qu'il passera, il vous saisira. Car il passera demain et demain, le jour et la nuit. La terreur seule vous fera la leçon. Car le lit est trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car le Seigneur se lèvera comme à la montagne de Pharazim. Il frémira d'indignation comme dans la vallée de Gabaon, pour accomplir son œuvre, œuvre singulière, pour exécuter son travail, travail étrange. Et maintenant, cessez de vous moquer, de peur que vos liens se resserrent, car une destruction est résolue. Je l'ai entendu. Par le Seigneur des armées, contre toute la terre. Prêtez l'oreille et entendez ma voix. Soyez attentifs et entendez ma parole. Le laboureur, pour semer, est-il toujours à labourer, à ouvrir et à hercer sa terre? Ne va-t-il pas, quand il en a aplani la surface, jeter la nigelle, semer le cumin, mettre le froment en ligne, l'orge à sa place, et l'épeautre en bordure. C'est son Dieu qui lui enseigne ses règles et qui l'instruit. Car ce n'est pas avec le traîneau qu'on foule la nigelle et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On foule le froment, mais on se garde de le battre toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux mais sans le broyer. Cela aussi vient du Seigneur des armées. Il est admirable en ses conseils et riche en ses moyens. Chapitre 29. Malheur à Ariel. À Ariel, à la cité où David a dressé sa tente. Ajoutez année à année, que les solennités parcourent leur cycle, et je serrerai de près Ariel, et il n'y aura que plainte et gémissement. Mais elle sera pour moi comme Ariel. Je camperai tout autour de toi, je t'environnerai de postes armés, et j'établirai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé. C'est de la terre que s'élèvera ta voix, et de la poussière que se feront entendre tes sourds accents. Ta voix sortira de terre, comme celle d'un spectre, et ta parole montera de la poussière comme un murmure. Et la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, et la multitude des guerriers comme la paille qui s'envole. Et il arrivera que soudain, en un instant, tu seras visité par le Seigneur des armées avec fracas, tonnerre et grand bruit, tourbillon, tempête et flammes de feu dévorant. Et il en sera comme d'un songe, vision de la nuit, de la multitude de toutes les nations qui combattront contre Ariel, et de tous ceux qui combattront contre elle et sa forteresse, et la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, et, à son réveil, son âme est vide. Et comme un homme qui a soif rêve qu'il boit, et, à son réveil, il est épuisé et toujours altéré. Ainsi il en sera de la multitude de toutes les nations, qui marchent contre la montagne de Sion. Étonnez-vous et soyez dans la stupeur. Aveuglez-vous et soyez aveuglés. Ils sont ivres, mais pas de vin. Ils chancellent, mais pas de liqueur forte. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de léthargie. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a jeté un voile sur vos têtes, les voyants. Et toute vision est devenue pour vous comme les paroles d'un livre scellé. On le présente à un homme qui sait lire en disant « Lis cela », et il dit « Je ne puis, car ce livre est scellé ». On le présente à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis cela », et il dit « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Puisque ce peuple s'approche en parole et m'honore des lèvres, tandis qu'il tient son cœur éloigné de moi, et que le culte qu'il me rend est un précepte appris des hommes, à cause de cela, je continuerai à user de prodiges, avec ce peuple, de prodiges étranges. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces docteurs s'obscurcira. Malheur à ceux qui cachent profondément au Seigneur le secret de leur dessein, dont l'œuvre s'accomplit dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit? Qui nous connaît ?» Quelle folie! Le potier sera-t-il donc estimé pour de l'argile, que l'œuvre dise de l'ouvrier « Il ne m'a point faite », et que le vase dise du potier « Il n'y entend rien ». Est-ce que dans un peu de temps, le Liban ne sera pas changé en verger, et le verger ne sera pas réputé une forêt? En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, sortant des ténèbres et de l'obscurité, les aveugles verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, et les plus pauvres tressailleront dans le sein d'Israël. Car l'oppresseur aura disparu, et le moqueur aura péri, et tous ceux qui méditent l'iniquité seront exterminés, ceux qui condamnent un homme pour un mot, qui tendent des pièges à celui qui les confond à la porte, et qui perdent le juste par leurs mensonges. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Jacob n'aura plus désormais à rougir, et son front désormais ne pâlira plus. car lorsqu'il verra, lui et ses enfants, l'œuvre de mes mains au milieu d'eux, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le saint de Jacob, et ils révéreront le Dieu d'Israël. Ceux qui avaient l'esprit égaré apprendront la sagesse, et ceux qui murmuraient recevront l'instruction. Chapitre 30. Malheur aux enfants rebelles, oracle du Seigneur, qui font des projets, mais sans moi, qui contractent des pactes, mais sans mon esprit, accumulant péché sur péché. Ils descendent sur le chemin de l'Égypte sans avoir consulté ma bouche, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et pour s'abriter à l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et le refuge à l'ombre de l'Égypte une confusion. Déjà les princes de Juda sont à Tanis, et ses envoyés se sont avancés jusqu'à Annès. Tous sont confus à cause d'un peuple qui ne leur sert de rien, qui ne leur donne ni aide ni secours, mais seulement confusion et ignominie. Oracle des bêtes du Négueb. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où sortent le lion et la lionne, la vipère et le dragon volant, ils portent leurs richesses sur le dos des ânes et leurs trésors sur la bosse des chameaux, à un peuple qui ne sert à rien. Le secours de l'Égypte sera vanité et néant, c'est pourquoi je la nomme la superbe qui reste assise. Va maintenant, grave cela sur une tablette en leur présence et écris-le dans un livre, afin que ce soit, pour les jours à venir, un témoignage à perpétuité. Car c'est un peuple de rébellion. Ce sont des enfants infidèles, des enfants qui refusent d'écouter la loi du Seigneur. Ils disent aux voyants, « Ne voyez point !» et aux prophètes, « Ne nous prophétisez pas la vérité. » Dites-nous des choses agréables, prophétisez des illusions. Écartez-vous de la voie, détournez-vous du chemin, ôtez de devant nos yeux le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous méprisez cette parole, et que vous vous confiez dans la violence et l'artifice, et que vous en faites votre appui, à cause de cela, cette iniquité sera pour vous comme une lézarde qui menace ruine, et fait saillie sur un mur élevé, dont soudain, en un instant, l'écroulement se produit. Il se brise comme se brise un vase d'argile que l'on fracasse sans pitié, sans que l'on trouve dans ses débris un morceau, pour prendre du feu au brasier ou puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Par la conversion et une paisible attente, vous seriez sauvés. Dans le repos et la confiance serait votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, et vous avez dit « Non, mais nous fuirons sur des chevaux. » Eh bien, vous fuirez. Nous volerons sur des coursiers. Eh bien, ceux qui vous poursuivront seront plus rapides. 1000 à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un reste, semblable à un mât sur le sommet de la montagne, à un signal sur la colline. C'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous faire miséricorde, car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, car, ô peuple qui habite en Sion, à Jérusalem, tu ne pleureras désormais plus. À ton premier cri, il te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera le pain de l'angoisse et l'eau de la détresse, et ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, et tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, suivez-le ». quand vous vous détournerez à droite ou à gauche. Vous traiterez comme impur l'argent qui recouvre vos idoles et l'or qui revêt vos statues. Vous les rejetterez comme une chose souillée. Hors d'ici, leur direz-vous. Le Seigneur enverra ses ondées sur la semence que tu auras semée en terre, et le pain que donnera la terre sera délicieux et abondant. Tes troupeaux en ce jour-là paîtront dans de vastes pâturages, et les bœufs et les ânes qui travaillent la terre mangeront un fourrage savoureux, vanné avec la pelle et le vent. Et sur toute haute montagne, et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, quand les tours tomberont. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, au jour où le Seigneur bandera la blessure de son peuple et guérira les plaies dont il l'avait frappé. Voici que le nom du Seigneur vient de loin. Sa colère brûle et l'ardeur en est accablante. Ses lèvres respirent la fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui monte jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction et mettre un frein d'égarement aux mâchoires des peuples. Alors vous entonnerez des cantiques comme dans la nuit où l'on célèbre la fête, et vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui monte au son de la flûte pour aller à la montagne du Seigneur, vers le rocher d'Israël. Le Seigneur fera éclater la majesté de sa voix, et il fera voir son bras qui s'abaisse. Dans l'ardeur de sa colère et la flamme d'un feu dévorant, dans la tempête, l'averse et les pierres de grêle. Et Assur tremblera à la voix du Seigneur. Il frappera de sa verge, et, à chaque fois que passera la verge fatale, que le Seigneur abaissera sur lui, on fera retentir les tambourins et les harpes, et il combattra contre lui à coups redoublés. Car Tophet est dès longtemps préparé, lui aussi est prêt pour le roi. Le Seigneur l'a fait large et profond. Il y a sur son bûcher du feu et du bois en abondance. Le souffle du Seigneur, comme un torrent de soufre, l'embrase. Chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte chercher du secours, qui s'appuient sur les chevaux, mettent leur confiance dans les chars parce qu'ils sont nombreux, et dans les cavaliers parce qu'ils sont forts. Mais ne regarde pas vers le Saint d'Israël, et ne recherche pas le Seigneur. Cependant, il est sage, il fait venir le malheur, il ne révoque pas ses paroles. Il s'élèvera contre la maison des méchants, et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme, et non un dieu. Ses chevaux sont chair, et non esprit. Le Seigneur étendra sa main. Celui qui secourt trébuchera, et le secouru tombera, et ils périront tous ensemble. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Comme le lion rugit, ainsi que le jeune lion sur sa proie, alors que se rassemble contre lui la multitude des bergers, sans se laisser effrayer par leurs cris, ni troubler par leur nombre. Ainsi le Seigneur des armées descendra pour combattre, sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déployant leurs ailes sur leur couvée, ainsi le Seigneur des armées couvrira Jérusalem. Il couvrira, il sauvera, il passera, il délivrera. Revenez donc à celui dont vous vous êtes tant éloigné, enfants d'Israël. Car en ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous avez fabriquées de vos mains pour pécher. Et Assur tombera par une épée qui n'est pas de l'homme. Une épée qui n'est pas d'un mortel le dévorera. Il fuira devant l'épée, et ses jeunes gens seront assujettis aux tribus. Son rocher fuira d'épouvante, et ses princes tremblants déserteront l'étendard. Oracle du Seigneur, qui a son feu dans Sion, et sa fournaise dans Jérusalem. Chapitre 32. Voici qu'un roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture, et chacun d'eux sera un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans une terre aride, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays désolé. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus aveuglés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera habile à comprendre, et la langue des bègues adroite à parler nettement. L'insensé ne sera plus appelé noble, et on ne dira plus du fourbe qu'il est magnanime. Car l'insensé parle follement, et son cœur s'adonne à l'iniquité, pour faire des choses impies, et proférer des paroles fausses contre le Seigneur, pour laisser avide l'âme de celui qui a faim, et ôter le breuvage à celui qui a soif. Les armes du fourbe sont déloyales. Il ourdit des intrigues pour perdre les humbles par des mensonges, et le pauvre alors même qu'il parle justice. Mais le noble a de nobles desseins, et il se lèvera pour de nobles actions. Femme nonchalante, levez-vous, écoutez ma voix. Fille sans souci, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, insouciante, car il n'y aura pas de vendange. La récolte des fruits ne se fera pas. Soyez dans l'effroi, nonchalante. Tremblez, insouciante. Ôtez vos riches vêtements. Dépouillez-vous. Saignez vos reins de sac. On se lamente en se frappant le sein, sur les belles campagnes, sur les vignes fécondes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même sur toutes les maisons de plaisir de la cité joyeuse. Car le palais est abandonné, la ville bruyante est devenue une solitude. Ophel et la tour de garde servent à jamais de repère, de lieu d'ébat aux ânes sauvages, et de pâturage aux troupeaux. Jusqu'à ce que soit répandu sur nous un esprit d'en haut, et que le désert devienne un verger, et que le verger soit réputé une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice s'établira dans le verger, et le produit de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos, et la sécurité pour jamais. Mon peuple habitera dans un séjour de paix, dans des habitations sûres, dans des demeures tranquilles. Mais la forêt sera tombée sous la grêle, et la ville profondément abaissée. Heureux, vous qui semez partout près des eaux, et qui laissez en liberté le pied du bœuf et de l'âne. Chapitre 33. Malheur à toi, dévastateur, qui n'est pas dévasté, pillard, que l'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Seigneur, ayez pitié de nous. C'est en vous que nous espérons. Soyez leurs bras chaque matin, et notre délivrance au temps de la détresse. Au bruit de votre tonnerre, les peuples fuient. Quand vous vous levez, les nations se dispersent. Votre butin est ramassé comme ramasse la sauterelle. On se précipite dessus comme un essaim de sauterelles. Le Seigneur est élevé, car il habite là-haut. Il remplit Sion d'équité et de justice. Tes jours sont assurés. Tu auras en abondance le salut, la sagesse et la connaissance. La crainte du Seigneur, c'est là ton trésor. Voici que leurs héros poussent des cris dans les rues, que les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, il n'y a plus de passants sur les chemins. Il a rompu le traité et méprisé les villes, il ne respecte pas les hommes. Le pays est en deuil et languit, le Liban est confus et flétri. Saron est devenu comme l'Araba, Bazan et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit le Seigneur, maintenant je me dresserai. Maintenant, je m'exaucerai. Vous avez conçu de la paille et vous enfanterez du chaume. Votre souffle est le feu qui vous dévorera. Et les peuples seront des fournaises à chaud, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, connaissez ma puissance. Les pécheurs ont tremblé en Sion, et l'effroi a saisi les impies. Qui de nous séjournera dans le feu dévorant? Qui de nous séjournera dans les flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture, qui rejette les gains extorqués, qui secoue ses mains pour ne pas prendre de présent, qui ferme son oreille aux propos sanguinaires, et se voile les yeux pour ne point voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés. La forteresse bâtie sur le rocher est sa retraite. Son pain lui sera donné, et ses eaux ne tariront jamais. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté. Ils verront une terre ouverte au loin. Ton cœur se rappellera ses terreurs. Où est le scribe? Où l'exacteur qui tenait la balance? Où l'officier qui comptait les tours? Le peuple insolent, tu ne le verras plus. Le peuple au langage obscur et qu'on n'entend pas, qui balbutie une langue inintelligible. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Que tes yeux voient Jérusalem. Séjour heureux, tente qui ne sera point transportée, dont les pieux ne seront jamais arrachés, et dont aucun cordage ne sera enlevé. Là, vraiment, le Seigneur, dans sa majesté, réside pour nous. Là sont des fleuves et des larges canaux, où ne se risquera aucune barque à rames, où aucun puissant navire ne pénétrera jamais. Car le Seigneur est notre juge, le Seigneur est notre législateur, le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. Tes cordages sont relâchés, ils ne maintiennent plus le mât sur sa base et ne tiennent plus le pavillon déployé. Alors on partage les dépouilles d'un riche butin. Les boiteux mêmes prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple qui demeure en Sion a reçu le pardon de son iniquité.